trouvera la formule savante. Molécules souches, ADN et autres gènes, nous analysons et rechargeons vos électrons. Transformation, restructuration, élevage in vitro, clonage. Le biocellulaire est notre affaire, le génétique est notre avenir. Vivre 2000 ans n'est qu'une histoire de temps. Prêt pour la congélation et grand départ pour l'ère prochaine. Prenez vos billets, attention. Nous vous promettons un avenir sans la paix à vos âmes. On veut plus partir, on veut plus vieillir. Peur du noir et honte du gris. On te rafistole au moins de plis. N'oublie pas de prendre la pilule rose, celle qui te donne ce teint si juvénile. Pour toi de ce mélange médicamenteux, crème de soins vitaminée, lifting, les accros de l'antiride seront bien servis. Prenez vos billets, attention. Nous vous promettons Christ très haut.